séparation, briser toute une génération. Et si vous même partez, partez, oh non, vous partez que jamais perdu, je vous dis aïe, aïe, aïe. Yeah, yeah, aïe, aïe, attention, aïe, aïe, illusion, aïe, aïe, attention, oh non, non. Même si vous faites tout du monde, vous pouvez bien virer un jour en bas soleil.